avec pression par l'intermédiaire du robinet ouvert. Et je pense au ciel gris qui devient bleu, à l'oiseau sur la branche, au pastis pour la toux. J'entends mon chien hurler l'étranger, j'entends les chiens hurler porc ferré. Et je me sens bien dans mon bain aux algues marins, que je me sens bien dans mon bain. Balabalim, balabalim, la flotte, plitch, platch. Dans le dos, Kennedy dedans son auto, et ma femme m'éponge le dos de vertes feuilles rouges l'automne, blanche d'une gelée blanche du printemps. Angoissé par l'angoisse, mon voisin est rachitique, de par le manque d'avoine et des diverses céréales. Et je me sens bien dans mon bain, dans mon bain aux algues marins, que je me sens bien dans mon bain. Badabadabadim la lom, bimbadadam, tchapabadam, dretetetetetetetetam. Et je pense à l'oiseau sur la branche. Où donc est la branche? Y a-t-il une branche? Où est-ce mon imagination qui me branche? Que oiseau petit sortira du nid? Que petit poisson deviendra grand? À condition qu'il prenne bon bain. Et je me sens bien dans mon bain aux algues marins, que je me sens bien. Ayant fait couler sans pression par l'intermédiaire du petit tourbillon, j'en sors, Archibald en sort, Théophile en sort, Ernest en sort et James en sort. Mouillé, trempé, démouillé, détrempé, essuyé, ressuyé, récuré, essoré, tout frais, tout rose, tout rouge, bien chambré, et transporté d'aise, tu m'aides, Archimède, à vider mon bain sous le temps de mes opérations précitées. Et je me sens bien dans mon bain aux algues marins, que je me sens bien dans mon bain. Badabim babadum babadim pipapabadabadam babadum papabadabadam babadim pipabadabadabadim pipapa babadibadipibadum babibadipapibadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabad